dur comme le banc d'une GAV. Ouais gros, on a grandi à la V. Comme voleur, comme violent, comme voyou, comme vaillant, comme Vitry. Les mecs à Bikri, en chaleur devant une banque, comme face à une pute en vitrine. Une vie triste, pour ça qu'on a pas tout le temps envie de rire. Bref comme tout le monde, on se tape des délires. On part dans le vent, pas comme tout le monde. Si t'es drôle comme tes gars, je mange une crampe. Tu joues un sale regard quand on se marre. Ça crie, ça pleure, t'as peur. Tu crois qu'on se bagarre. Plus besoin qu'on nous présente, on a la tchat, on sort d'un BEP, votre CPPM, toute ma banlieue R, Max TM. À 18 ans, en 3ème dans le virage, en Citroën ou en Fiat Tipo. On marche avec des blancs qui attaquent comme Michael Owen. Un petit pont à la haine, on a le seum, bouge en soum. Petit jeune arrogant qui cogne comme Brahim Asloum. Dans berge d'anciens, c'est mon destin qui se mélange avec le tien et le sien. Ne forme qu'un, mafia quinquin numéro 1 dans le ghetto. Tu verras nos blases au dépôt, craque l'axe comme Touko. Trop bonne, au fichier d'où je viens. On ouvre les coffres forts, même avec un trombone, on se démerde. Reçois-nous avec des verres de cristal. On a le mérite de s'en sortir avec des baies agitées comme la route du Rhum. T'es pas au courant, on te fusille, on porte la couronne. 9-4 l'usine, on se dépose, un stress sur ghetto. Néglito à la fortasse, qui donne du rêve comme à Caracas. Sous ta carapace de voyou, bouge ta carcasse. C'est yo-yo, Miss, t'es pris en chasse. Quand on arrive, on casse. Le ghetto, il prend ta défense. Pour les poteaux sous défense, ceux qui traînent en bas des tours, pas cède la défense. Si tu cherches les plus de ghetto, you, t'as la réponse. À l'étroit comme dans un train à couchette, on embarque la recette de vos soirées jet set. Chez nous on marche pas les cheveux gominés, les jeunes nous ont nominés, on est là pour dominer. Aïe, mafia qu'un free official pour toute l'année. Tu sais frère, et loin des pétasses cocaïnées. À cause de l'état en trim, d'où on vient on se fait trouer. Comme dans ce crime on se fait crouer. Parce qu'on est doué que dans le crime, victime d'une détresse sociale. Y'a peu de temps j'étais dans une suite 5 étoiles. Repensant au casse dalle à la catalane. On partage à l'arrière du 1-8-3. Aujourd'hui official, on fait le 1-1-3.